Chapitre 10e. Germaine passa une soirée affreuse. Désarmée, réduite à l'impuissance, ligotée dans sa couche, comprenant qu'elle était séquestrée dans un asile d'aliénés, où sont confondus et soumis aux mêmes rigueurs les malheureux démons et les victimes, plus nombreuses qu'on ne le croit, de vengeance particulière, elle se demandait comment et par qui avait été machinée cette embûche. Et toujours la sinistre figure du comte de Monthieu, le mauvais génie de sa vie, lui apparaissait. Le coupable ne pouvait être que lui. Nul autre, en effet, ne pouvait avoir intérêt à sa séquestration. Elle ne se connaissait pas d'ennemis, et le bandit seul contre lequel elle avait engagé cette lutte sans merci était en mesure d'user de tels moyens. En outre, elle voyait d'intimes corrélations entre ce rapt audacieux, si habilement opéré, et le vol de l'avant-dernière nuit. Et malgré sa vaillance, elle ne pouvait s'empêcher de frémir. Une de ses gardiennes demeurait en permanence près d'elle, sans la quitter d'un moment. C'était cette Joséphine, au torse d'athlète femelle, qui, malgré les orions reçus, son oreille à demi arrachée, semblait ne pas lui conserver rancune. Elle avait même pour elle une sorte de condescendance bourrue, lui parlait, l'écoutait, lui répondait avec cette patience que les gardes malades ont pour les gens atteints de délire et que l'abolition de l'intelligence rend irresponsable. « Allons, ma petite, soyez calme. Ne vous agitez pas, ça vous ferait mal et on serait encore forcé de vous doucher. Vous guérirez, nous vous soignerons bien et d'ici peu, vous pourrez vous promener dans le parc avec les autres. » « Mais, insistait Germaine, je vous assure que je ne suis pas malade. On s'est trompé en me retenant ici. Je veux m'en aller. Il faut que je sorte. C'est une infamie. » « Soyez raisonnable, ne vous tourmentez pas, vous aggravez votre mal. Si vous continuez, on sera forcé de vous envoyer à la douche 3 fois par jour. » Cette menace, qui opère même sur les aliénés furieux, arrêta les protestations de Germaine. Comprenant que sa garde était de bonne foi, elle feignit d'écouter ses recommandations, de se calmer et d'obtempérer à ses avis. En outre, un mot l'avait frappée. D'ici peu, vous pourrez vous promener dans le parc. Elle aurait donc une liberté relative. Ses entraves lui seraient enlevées. On lui ôterait la camisole. Et elle pourrait sans doute voir cette marquisette, à la cause innocente de cette horrible séquestration. Sans commettre la faute de se soumettre trop vite, elle feignit d'entrer dans les vues de Joséphine et lui parla plus doucement. « Non, pas la douche. Je ne veux pas. Cela vous fait mal. Vous saisit. » « Alors vous serez bien sage. »« Oui, mais vous m'enlèverez ce sac de toile qui emprisonne mes bras. »« Demain, après la visite. »« Mais manger ?»« Je vous donnerai la béquille comme à un enfant. »« Je ne pourrai jamais dormir ainsi. »« Je vous ferai prendre la portion calmante au bromure. »« C'est souverain contre les agitations. »« Et puis, on vous quittera pas. »« Catherine passera la nuit ici. »« J'aimerais mieux vous. » fit Germaine d'un ton enfant qui obéit à un caprice. « Ça, c'est gentil. Puisque vous le désirez, j'apporterai mon lit de camp. » Et la grosse commère, intérieurement flattée, pensa. « Sûr qu'elle est bien fêlée, mais ça ne paraît pas grave. » Elle reprit avec sa bonasserie finaude. « Je parie que vous avez vécu quelques gros chagrins. Qu'est-ce, ça vous a tapé sur la tête. » « Oui, des peines. » « Des contrariétés, » fit Germaine. « Je vous dirai ça, vous verrez. »« Oui, mon petit chat, vous me raconterez vos histoires. »« Mais vous me retirez les courroies et la camisole. »« C'est ça qu'on appelle camisole de force, pour les fous, hein ?»« Oui, mais après la visite, quand le docteur vous aura examiné. »« Le docteur qui ?»« Le patron, le docteur Castanet. » »« Ah ! » fit-elle en songeant que ce nom ne lui était pas inconnu. Avec un prodigieux instinct, Germaine avait deviné la psychologie des maisons d'aliénés. Tant qu'elle s'était défendue d'être folle, tant qu'elle avait protesté de sa raison jusqu'à la violence, on l'avait brutalisée comme une agitée dont on se défie. Maintenant qu'elle semblait se résigner, qu'elle manifestait à sa gardienne une sorte de préférence instinctive, maintenant surtout qu'elle commençait à faire acte de démence, on allait moins se défier d'elle. Aussitôt, elle vit tout le parti à tirer de cette découverte. simuler une folie très douce, ne rien exagérer, endormir les soupçons, acquérir ainsi une liberté relative, puis agir. Oh oui, agir sans retard, et avec toute l'énergie de sa nature ardente et si merveilleusement organisée pour la lutte. Servie par son instinct, elle se renferma pendant plusieurs heures dans un silence absolu et confirma ainsi Joséphine dans la pensée qu'elle était réellement un brin fêlé. Le soir venu, la garde la fit manger. Elle accepta docilement les mets, assez délicats, et servit très confortablement. Elle rit en recevant la béquée, ne s'occupa pas de la nature de ses mets et dit qu'elle dormirait volontiers. Ainsi qu'il avait été convenu, Joséphine s'installa près d'elle et quand il fut environ 9 heures, lui donna une bonne dose de bromure de potassium. Peu à peu, elle s'endormit dans le grand calme de cette nuit d'été que traversait de temps à autre le hurlement de bête d'un malheureux dément. Le lendemain matin, elle s'éveillait comme d'un cauchemar et avec son magnifique sang-froid, retrouver l'exact sentiment de la situation. Vers les 10 heures, le docteur annoncé la veille par la garde faisait son apparition. Et soudain, Germaine eut comme un éblouissement à l'aspect de cet homme qu'elle n'avait jamais vu cependant. Elle se rappela son nom, le docteur Castanet. Ce nom est également celui du sinistre tenancier du bouge du bord de l'eau. Castanet, dit Lichamor, le hideux mâle de cette femelle non moins hideuse, la mère Bachue. Elle sait, par ses notes concernant le couple, que Lichamor, issu d'une famille honorable, a un frère un peu plus jeune et que ce frère exerce à Paris la profession de médecin. Lichamor, le complice de mon Dieu, le docteur, son frère, a certainement des accointances avec le bandit du grand monde. Pourquoi pas ? D'instinct non moins crapuleux que son frère, mais sachant les dissimuler sous un certain vernis de bonne compagnie, il a tout ce qu'il faut pour devenir l'homme à tout faire de tel ou tel qui saura l'acheter. On l'a connu jadis besogneux, râpé, traînant la savate, habitant un galetas, crevant de misère et de vice, obligé aux plus inavouables expédients. Puis, en moins d'un mois, il a subi une transformation radicale. Décrassé, vêtu de noir, chaussé de chevreau, portant du linge éblouissant de blancheur, il est devenu propriétaire ou tout au moins directeur de la maison de santé bien connue rue Ribéra. Germaine, qui n'ignore rien de tout cela, on saura bientôt pourquoi et comment, Germaine pressent dans cet individu un complice du comte de Mondieu. C'est un homme d'une 50aine d'années, chauve, au front fuyant, aux yeux gris, furteur et inquiétant, au nez long, à la bouche en coup de sabre. Ses longues mains noueuses, velues, très soignées, ont un léger tremblement. Le docteur a le vice de famille. Comme son aîné, il boit, mais ses breuvages de choix sont plus inoffensifs que ceux du cabaret du bord de l'eau. Germaine dut faire appel à toute sa vaillance pour surmonter le dégoût et l'effroi que lui causait à première vue ce personnage sinistre, sur le compte duquel son édification était suffisante, hélas. Il darda sur elle ses yeux en vrille, et d'un regard aigu l'inventoria. Puis il lui prit la main, tâta son pouls, le trouva précipité, fiévreux, et demanda d'un air patelin. « Eh bien, mon enfant, comment vous trouvez-vous ici ?»« Très mal, docteur, très mal, » dit-elle d'une voix sèche, entrecoupée par une sorte de tremblement nerveux. « Pas possible. Est-ce qu'on n'aurait pas eu pour vous tous les égards qui sont dus à une personne accomplie comme vous l'êtes ?»« Si, on est très bon, mais on dit que je suis folle. Je veux bien tout ce qu'on voudra, mais je ne veux pas être folle, c'est trop laid. » Malgré tout son sang-froid et en dépit de l'attitude professionnelle, il ne put retenir un léger tressaillement. Est-ce que cette belle créature, qui lui était recommandée dans des termes si expressifs, avait réellement le cerveau attaqué? Sa réponse indiquait une sorte de passivité douloureuse et inconsciente qui le stupéfiait. « Non, mon enfant, vous n'êtes pas folle, mais seulement un peu surmenée. Les nerfs trop tendus, c'est la neurasthénie, vous comprenez ?»« Oh, cela m'est bien égal, pourvu qu'on ne veuille pas me prouver que je suis folle. Je suis venue hier, voyons, c'est hier. Pourquoi suis-je venue ? Je ne sais plus. J'ai voulu m'en aller, pourquoi ? Je n'en sais rien. Les femmes se sont jetées sur moi. On m'a noyée sous des jets de pompe, cela m'a saisie. Je n'étais pas bien, déjà. La colère m'a prise. Tout mon sang s'est porté à ma tête. Alors, quoi ? Joséphine, la femme là-bas, oui, elle m'a dit que j'étais folle. Le docteur la regardait toujours, se demandait si elle jouait la comédie ou si elle délirait véritablement. Très déconcerté, en ne recevant pas ces protestations indignées, furieuses des démons, il ne savait que penser, et selon la coutume des aliénistes qui voient des fous partout, commençait à la croire folle. C'est que Germaine avait ce regard fixe, perdu dans le vague, avec parfois cet imperceptible battement de prunelles qui est si caractéristique. Le docteur en fut la dupe et songea. Le comte m'avait annoncé une véritable tigresse qui aurait des emportements sauvages, pousserait des cris terribles, lutterait désespérément. Je trouve au contraire une pauvre petite femme bien résignée, bien douce, malade évidemment. Ma foi, mon Dieu se débrouillera avec elle quand il viendra la voir. Il reprit à haute voix. « Eh bien, mon enfant, nous soignerons ces nerfs exaspérés, tendus à se briser. »« Merci. Je guérirai, n'est-ce pas ?»« Mais certainement. »« Et quand je serai guérie, je pourrai m'en aller ? Est-ce que ce sera long ?»« L'affaire d'un mois, un peu plus, un peu moins. Cela dépendra de vous. »« Allons, au revoir, mon enfant. À demain. »« À demain, docteur, et merci pour l'assurance que vous me donnez. » Joséphine le reconduisit jusqu'à la porte et lui demanda « Que faudra-t-il faire, monsieur ?»« Vous pouvez lui retirer la camisole et la laisser circuler librement. Elle n'est pas dangereuse, mais vous l'accompagnerez partout avec une autre garde, et à la première alerte, vous la ramènerez au pavillon. Continuez le bromure, nous verrons demain. » La journée passa bien lentement pour Germaine, que l'angoisse énervait, mais qui cependant réagissait avec son énergie habituelle. Elle sut patienter, se faire enfant, très câline, jouer à merveille son rôle d'esprit faible. Joséphine s'apprivoisa tout à fait, subissant inconsciemment l'ascendant de cette admirable créature, aussi bonne que belle, et que nul ne pouvait s'empêcher d'aimer. L'infortunée recluse jouissait déjà d'une liberté relative, et demandait toujours avec une ténacité de véritable démente à voir Marquisette. La garde, rassurée par sa douceur, sachant que les hautes murailles du parc s'opposaient à toute tentative d'évasion, lui promit de la conduire près de cette femme dont la pensée était devenue pour elle une véritable obsession. Pour l'habituer à cette liberté dont jouissaient les pensionnaires de la maison de santé, Joséphine la mena dans le parc. Il faisait un clair soleil d'août, et les simples démons, que la nature de leur maladie ne rendait pas dangereux, évoluaient dans les allées, sous les grands arbres, à travers les pelouses, les corbeilles de fleurs. Les deux sexes étaient mélangés, et l'on eût dit, à première vue, un square vaste où des gens quelconques se réunissaient pour causer, jouer à des petits jeux. Des dames fort bien vêtues faisaient du crochet, brodaient, lisaient des revues illustrées, pendant que d'autres coquetaient avec des messieurs qui fumaient, se pavanaient, portaient beau, se racontaient des choses qui provoquaient des ripostes, et d'autres récits écoutés toujours avec déférence. Une telle assemblée n'avait rien d'incohérent au premier abord, et Germaine, sachant en quel lieu elle se trouvait, ne savait que penser. Tous ces gens semblaient parfaitement raisonnables, et il fallait la présence de gardiens et de gardiennes évoluant au milieu des groupes pour lui rappeler la triste réalité. Là, comme partout, son incomparable beauté produisit une impression foudroyante. Les messieurs saluèrent très respectueusement en faisant des grâces. Les dames pincèrent les lèvres, hâtèrent leurs travaux d'agrément, cherchèrent une contenance et, avec des regards en dessous pleins d'envie, dévisagèrent la nouvelle venue. Un personnage très décoratif, en habit noir, chamarré de décorations baroques tachant d'une quincaillerie polychrome le revers gauche, lui souhaita la bienvenue en termes alambiqués. Il se présenta lui-même. « Je suis Don Sebastiano, Ruiz Porfirio López de la Vega, de Santo Geronimo. » « Grande d'Espagne, de première classe, duc et cousin de roi. » Germaine répondit par une gracieuse inclinaison de tête au pauvre diable, dont les yeux luisaient comme des braises et qui lui tendait une main toute sèche et toute brûlante. Une jeune femme très jolie, toute blonde, avec les prunelles vertes de mère d'une Ophélie, avec de lourdes tresses qui retombaient sur ses épaules, arrivait. Elle portait une grande poupée costumée en enfant que l'on va baptiser, petit bonnet à ruche. Longue robe de mousseline brodée, pelisse en piqué, voile bordé de dentelle. Très sérieusement, elle dit à Germaine : Vous serez sa marraine, n'est-ce pas, madame ? Et monsieur de la Vega sera le parrain. Elle s'appelle Marthe. Elle ne mourra pas comme l'autre, celle qui a emporté mon âme. Elle est gentille, allez, elle parle déjà. » L'enfant postiche roula les yeux, agita les lèvres et bêla d'une voix affreuse, atone, une voix de phonographe. « Papa, maman. » « Oui, ma chérie, tu es un amour. Parle encore, ma trop aimée. Figurez-vous, madame, que sa petite sœur est partie, un jour. Oh, il y a longtemps. Des semaines, des mois, je ne sais plus. Elle est devenue toute froide, toute blanche, et on l'a emportée, des hommes noirs, dans une boîte. On l'appelait Marthe aussi. Je crois peur, peut-être. Partie sans baptême, vous comprenez. Je veux que celle-ci reçoive le sacrement. Tout de suite, vous serez la marraine. La marraine, il le faut, vous entendez ? Il le faut ! Germaine, horriblement affectée, promit, et la folle, heureuse, partit en gambadant et en criant « Cocorico, cocorico, cocorico ! Tu seras baptisée, ma chérie, la dame le veut, elle sera ta marraine !» Un autre monsieur, très grave, la barbe grise, longue et soignée, abordait familièrement Germaine et lui disait « Ne faites pas attention à cette folle. Son affreux bébé a déjà été baptisé. Nous avons tous été parrains. Il a fallu lui faire cette concession. Un refus lui donnait des accès terribles. Par condescendance pour son mal, nous avons consenti. Elle troublait notre société de gens raisonnables. » Alors, Germaine, croyant que cet homme qui s'expliquait en termes si posés avec une commisération qui n'avait rien d'affecté ni de convenu, était un visiteur, lui dit doucement « Je me prêterai volontiers à ce simulacre. Je ne voudrais pas augmenter sa douleur par un refus. Les pensionnaires de cette maison de santé sont déjà bien assez malheureux. »« Tous riches, madame !» interrompit avec violence l'inconnu. « Je suis leur banquier. Je fais leur fortune. Ils sont trop heureux d'acheter mon papier. 100% d'intérêt par jour, avez-vous compris ?»« Libre à vous de souscrire. Tenez, je ferai cela pour vous. Souscrivez à mon emprunt. C'est un cadeau que je vous fais. » Vous êtes si belle, et j'aime beaucoup les belles dames. Voyons, vous prenez pour combien ? 1 milliard ? Allons, n'hésitez pas, mettons 2 milliards. Dites oui, j'enverrai ce soir les titres chez vous. Rien à perdre, c'est de l'or en barre, un emprunt garanti par la terre. La terre ? Interrogea anxieusement Germaine, attristée par ses fantaisies financières, indiquant une irrémédiable fêlure au cerveau qui les concevait. Oui. La Terre, notre planète, la boule que nous habitons. Une idée géniale à moi, pour amener d'abord la Fédération des États-Unis de la Terre. Allons, souscrivez-vous, fit l'homme impatienté, voyant que Germaine hésitait. Je souscris. Combien ? 1 milliard ? 2 milliards ? Mettons en 4. Adieu, monsieur. Au revoir, belle dame, reprit l'homme subitement calmé. Une femme d'une trentaine d'années, très maigre, aux yeux expressifs, aux cheveux coupés au ras de la nuque, à l'air doux et bon, s'emparait aussitôt de Germaine et lui disait sans préambule. N'écoutez pas, madame, n'écoutez pas. Voyez-vous, ils ont tous un grain ici. Ce sont des gens charmants, inoffensifs, de bonne manière, mais ils tyrannisent les nouveaux venus en voulant leur faire enfourcher leur dada. Germaine regarda, un peu effarée, cette nouvelle interlocutrice et pensa. Et celle-là, que va-t-elle me dire ? Je m'appelle Nadine Valinsky. Je suis russe et doctoresse de la faculté de Paris. J'observe ici toutes les formes si douloureuses de l'aliénation mentale. Et elle ajouta tout bas. Voyez-vous, ces gens-là sont des fous. Ils vous paraissent raisonnables, et ils le sont jusqu'à un certain point, tant qu'on ne touche pas à leur tocade, et tant qu'ils ne songent pas eux-mêmes à en parler. Ils se font ainsi de mutuelles concessions, tolèrent leur gambade intellectuelle et vivent en bonne intelligence dès qu'ils se connaissent. « Voilà qui est étrange en vérité, » murmura Germaine. « Étrange sans doute, mais très réel. En dehors de leur monomanie, vous les voyez évoluer dans la vie comme des gens dont l'esprit est parfaitement sain. Eux-mêmes s'en rendent compte, puisqu'ils ne s'adressent qu'aux inconnus, sachant très bien que chacun ici connaît leurs idées et n'en est pas dupe. « Mais il y aurait moyen de les guérir, » fit Germaine. Intéressée par ce raisonnement, indiquant que cette interlocutrice, du moins, ne portait pas à la boîte crânienne cette fissure par où pénétrait l'idée incohérente génératrice de l'aliénation. Pourquoi ne pas essayer, par exemple, de la suggestion ? C'est que les aliénés sont en majorité absolument réfractaires à l'hypnotisme. Il y aurait bien un autre moyen, mais la science est si routinière. « Quel moyen ?» demanda Germaine que la doctoresse emmena dans une allée à une vingtaine de pas. Il serait trop simple pour que les savants officiels voulussent l'employer. Il n'y aurait plus de maladie. Et alors, à quoi bon les guérisseurs, si l'art de guérir devenait inutile ? Sans doute, si votre moyen est bon. Comment s'il est bon ? Interrompit la doctoresse dont les yeux s'animèrent. Dites qu'il est admirable, unique, infaillible. Suivez bien mon raisonnement. Vous qui me semblez intelligente, et faire ici une tâche de propreté morale. Tous nos maux sont engendrés par les microbes. C'est une vérité qui n'a plus besoin de démonstration, tant elle est surabondamment prouvée. Eh bien, supprimez les microbes et stérilisez le lait, le pain, la viande, le vin, les légumes, les fruits. Stérilisez ou désinfectez à fond les maisons, les voitures, les trains de chemin de fer, les navires, les conduites d'eau, les vêtements, les livres, les journaux, les papiers, les objets usuels qui servent à boire, à écrire, à manger. Stérilisez l'air. Ou plutôt, ne le respirez qu'à travers des appareils spéciaux. Stérilisez votre bouche, vos yeux, jusqu'aux organes les plus intimes. Songez qu'un mouchoir peut communiquer le microbe mortel, qu'un baiser peut vous contaminer, qu'une poignée de main peut vous inoculer une quantité formidable de bestioles qui envahiront votre organisme. Songez à la diphtérie, au typhus, à la... Germaine, effarée, ne l'écoutait plus. Elle s'enfuyait, plantant là cette pauvre doctoresse en murmurant navrée. Elle aussi. Mon Dieu, quel enfer! Joséphine, qui la suivait à 5 ou 6 pas, se rapprocha très empressée, très serviable. Ces gens-là m'assomment et me font peur, dit-elle à sa gardienne. Allons-nous-en. Cependant, si vous tenez à voir Marquisette, fit-elle, voulant à tout prix distraire Germaine, je vous conduirai près d'elle. Si c'est pour entendre ces navrantes inepties, j'aime mieux rentrer. Il se peut qu'elle soit dans un de ses bons jours, et alors elle causera, et sûrement elle vous amusera. Mais enfin, est-elle aussi folle que tous ces malheureux ? Peut-être plus, peut-être moins, on n'a jamais pu savoir. Par moments, ce serait à croire qu'elle jouit de toute sa raison. Seulement, il y a des jours, des semaines, des mois qu'elle ne desserre pas les dents. Allons donc, si vous y tenez, fit Germaine, feignant de ne plus désirer ce qu'elle avait d'abord si ardemment souhaité. Joséphine lui fit traverser toute la portion occidentale du vaste parc et la conduisit à un petit pavillon, le dernier sur la rangée affectée spécialement aux femmes. Autour du pavillon, il y avait des fleurs soignées avec amour et formant le plus délicieux parterre. Devant la porte, une femme simplement vêtue, mais avec un goût parfait, causait assise sur un pliant. Joséphine s'arrêta à 5 ou 6 pas et cria « Marquisette, une dame qui voudrait vous voir !» Puis elle dit tout bas à Germaine. « Allez seule, elle ne peut pas me sentir, je resterai là. » L'inconnue leva la tête, regarda froidement Germaine et dit « Qu'elle vienne, mais pas vous. »« Vous voyez ?» fit Joséphine. « Mais n'ayez pas peur, elle n'est pas méchante et vous recevra bien. » Germaine, qui ne voyait que des aliénés au langage incohérent, aux yeux vagues, fut très étonnée d'apercevoir une femme qui la regardait avec une expression pleine d'une bonté exquise, d'une pitié infinie. Elle crut même l'entendre murmurer. « Si jeune, si belle, pauvre enfant !» C'était une femme de 38 à 40 ans, dont les traits, ravagés avant le temps par une cause mystérieuse, étaient encore superbes. De taille moyenne, un peu empâtée par le sédentarisme, elle avait de petits pieds finement cambrés, de mignonnes mains à fossettes, aux doigts délicatement fuselés. Des cheveux toujours abondants, jadis d'un beau blond cendré, maintenant presque blanc, se crêpelaient encore naturellement, ondulaient sur les tempes et frisottaient sur la nuque. La bouche était encore meublée de dents magnifiques. Les yeux bleus, d'un bleu saphir si profond et si doux, étaient fatigués plutôt que vieillis par des larmes récentes. La peau, sillonnée de rides précoces, conservait un reste de fraîcheur. Enfin, ce qui stupéfia Germaine fut une ressemblance étrange avec Bobino et Suzanne de Mondieu. même sourire doux et triste, et qui devait être si gai quand le cœur était content, même regard profond, même port de tête, et, chose extraordinaire, même signe sur la pommette gauche. « Entrez, mon enfant, » dit l'inconnu d'une voix qui frappa Germaine, au moins autant que cette ressemblance prodigieuse. Germaine, bouleversée, fit un effort énergique pour reprendre son sang-froid, ne voulant pas qu'on la crût folle, ne sachant trop que dire, ni par quoi commencer la terrible confidence qu'elle avait à faire. « Madame, » lui dit-elle enfin, de façon à ne pas être entendue par la garde, « écoutez-moi sans parti pris. Ne vous récriez pas. Conservez tout votre sang-froid. » « Parlez, mon enfant, » répondit Marquisette, habituée sans doute à bien d'autres confidences de la part des pauvres détraqués habitant la maison de santé du docteur Castanet. « J'ai tout bravé pour rentrer ici, » reprit Germaine d'une voix brève. « Je suis arrivée seule, voulant vous voir, vous parler. Vous saurez bientôt pourquoi. » Au lieu de m'accueillir en visiteuse, on m'a reçue comme pensionnaire. On m'a enfermée, séquestrée, douchée. Mais je ne suis pas folle. Oh, ne secouez pas la tête. J'ai ma raison. Tenez, regardez-moi en face. Est-ce que je ressemble à ces pauvres démons dont les propos m'ont effrayée puis apitoyée? Croyez-moi. Mais croyez-moi donc. Pauvre enfant, murmura pour la seconde fois l'inconnu avec sa commisération désolée. Ah, mon Dieu, elle me croit folle, sanglota Germaine. À force de vivre avec les fous, et folle peut-être elle-même. Eh bien, soit. Je parlerai d'abord, nous verrons après. Vous connaissez la femme Bachue, dit la Barbette, la sage-femme, la faiseuse d'anges. À ce nom, Marquisette pâlit, et saisissant la main de Germaine, s'écria : Plus pas ! Soit, mais répondez-moi. Oui. Oui, je ne la connais que trop, pour mon malheur. Et l'ivrogne Lichamor, son homme, Pierre Castanet, le frère de celui d'ici, n'est-ce pas? Oui. Oh, le misérable. Et enfin, le comte de mon Dieu, votre bourreau, le mien. Mon Dieu, s'écria la femme avec un indicible accent de terreur. Vous avez dit, mon Dieu! Mais ce n'est pas tout. Et les enfants, les vôtres, Georges, Jeanne. Oh, vous savez tout. Qui êtes-vous donc? Une amie inconnue, rapprochée de vous par une mutuelle et terrible infortune. Mais comment avez-vous appris cet horrible secret? Plus tard, vous apprendrez. Je vous dirai ce que je connais. Et maintenant, me croyez-vous toujours folle? Oui, folle de honte et de fureur contre un bandit qui a odieusement abusé de moi. Silencieusement, Marquisette pleurait et pâlissait encore s'il est possible. Je vous crois, oh, je vous crois, bégaya-t-elle d'une voix brisée. Puis voyant que Germaine, toute frémissante, s'apprêtait à partir, elle ajouta suppliante. Restez, oh, restez. C'est impossible pour l'instant. Je reviendrai demain. Un plus long entretien exciterait la méfiance de ceux qui nous gardent. Ayez en moi une foi absolue et je vous sauverai. Impossible. Je suis captive depuis 18 ans. Vous entendez, il y a 18 ans que je suis gardée à vue. J'ai perdu tout espoir. J'ai tant souffert que la douleur a brisé en moi tout ressort. Espérez, vous dis-je. Oh, je vous le jure. Vous recouvrerez la liberté par moi. Et par moi aussi, vous goûterez l'âpre volupté de la vengeance. À demain.